Matthieu chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus, et lui dirent. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas? Mais il répondit, et leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé, disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, que celui qui maudira son père, ou sa mère, meurt de mort. Mais vous dites, quiconque aura dit à son père, ou à sa mère, tout don qui sera offert de par moi, sera à ton profit. Encore qu'il n'honore pas son père, ou sa mère, il ne sera point coupable. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé de vous, en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis ayant appelé les troupes, il leur dit, écoutez, et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sur cela les disciples s'approchant, lui dirent, n'as-tu pas connu que les pharisiens, ont été scandalisés quand ils ont ouï ce discours? Et il répondit, et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre prenant la parole, lui dit, explique-nous cette similitude. Et Jésus dit, êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche, descend dans l'estomac, et ensuite est jeté au secret? Mais les choses qui sortent de la bouche, partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances. Ce sont là des choses qui souillent l'homme, mais de manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille point l'homme. Alors Jésus partant de là, se retira vers les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui était partie de ces quartiers-là, s'écria, en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée d'un démon. » Mais il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant, le prièrent, disant, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Et il répondit, et dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint et l'adora, disant, « Seigneur, assiste-moi. » Et il lui répondit, et dit, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit, « Cela est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes, qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondant, lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites, et dès ce moment-là sa fille fut guérie. » Et Jésus partant de là, vint près de la mer de Galilée, puis il monta sur une montagne, et s'assit là. Et plusieurs troupes de gens vinrent à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des manchots, et plusieurs autres, lesquels on mit aux pieds de Jésus, et il les guérit. De sorte que ces troupes s'étonnèrent de voir les muets parler, les manchots être sains, les boiteux marcher, et les aveugles voir, et elles glorifièrent le Dieu d'Israël. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion envers cette multitude de gens, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et ses disciples lui dirent, « D'où pourrions-nous tirer, dans ce désert, assez de pain pour rassasier une si grande multitude ?» Et Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain ?» Ils lui dirent, « 7, et quelque peu de petits poissons. » Alors il commanda aux troupes de s'asseoir par terre. Ayant pris les 7 pains et les poissons, il les rompit, après avoir béni Dieu, et les donna à ses disciples, et les disciples au peuple. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés, et on remporta du reste des pièces de pain 7 corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé, étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits enfants. Et Jésus ayant donné congé aux troupes, monta sur une nacelle, et vint au territoire de Magdala.